Section 14 de La grammaire de Mademoiselle Lily par Jean Massé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. 14. Les verbes auxiliaires. Veux-tu que je t'apprenne maintenant les verbes auxiliaires? Ce n'est rien du tout à apprendre. Mademoiselle Lily commence à trouver qu'elle en a assez du verbe. Mais on ne peut pas résister à Charlotte, qui est une impétueuse. Qu'est-ce que c'est donc que les auxiliaires? Tu sais, le cheval qui attend l'omnibus au bas de la butte Montmartre et qu'on attelle en avant des deux autres pour les aider à la montée, c'est un auxiliaire. Quand on fait la guerre et qu'on a des amis qui viennent se mettre avec vous pour vous aider à battre les ennemis, ce sont aussi des auxiliaires. Les verbes auxiliaires sont ceux qui aident à conjuguer les autres. Conjuguer ? Tiens, on ne t'a pas dit ce que c'est que conjuguer un verbe ? C'est mettre bout à bout tous ses modes et tous ses temps. Je mange, j'ai mangé, j'avais mangé, j'aurai mangé, mangé, avoir mangé. Tu vois, on ajoute le verbe avoir au participe passé manger. Et cela fait toutes sortes de modes et de temps. Il y en a deux de ces verbes auxiliaires. Le verbe avoir, d'abord, que je viens de te dire, et puis le verbe être, qui s'ajoute aussi au participe passé pour faire le passif. Je suis mangé. Le verbe avoir sert pour l'actif. Je parierais que tu ne sais pas non plus ce que c'est que l'actif et le passif. Mais, ma chère, tu ne sais rien du verbe. Il faut absolument que je t'apprenne l'actif et le passif. Charlotte est terrible. Voilà Mademoiselle Lily forcée d'apprendre l'actif et le passif. Fin de la section 14. Enregistrée par Ezoie, en Belgique, en mars 2021.